Esaü s'avance au loin sur la route. 400 hommes marchent avec lui. Jacob s'incline encore et encore, portant son passé devant aujourd'hui. Mais au lieu de la vengeance attendue, des bras s'ouvrent dans l'émotion. Les larmes tombent sur les deux visages et la haine fond dans le pardon. Ce que la peur annonçait comme la fin devient le commencement de la paix. Pardon descend du ciel, même les cicatrices se taisent. Les années de fuite, de rancœur s'effacent dans une seule étreinte sans faiblesse. Quand le pardon descend du ciel, la réconciliation devient possible et les blessures du passé laissent place à une paix que nul ne rend invisible. Jacob offre ses dons. Hommes réconciliés sur la route qui s'était ouverte dans le tourment. Chacun reprend son propre chemin, sans haine, sans jalousie, et Dieu accomplit doucement ce que la peur n'avait jamais permis. Même les cicatrices se taisent. Les années de fuite, de rancœur s'effacent dans une seule étreinte sans faiblesse. Quand le pardon descend du ciel, la réconciliation devient possible et les blessures du passé laissent place à une paix que nul ne rend invisible. Que le temps n'effaçait pas.